Enfoncé dans la forêt, j'y cherchais. J'y trouvais l'image des premiers temps, dont je traçais fièrement l'histoire. Je faisais main basse sur les petits mensonges des hommes. J'osais dévoiler à nu leur nature, suivant le progrès du temps et des choses qui l'ont défiguré. Et, comparant l'homme de l'homme avec l'homme naturel, leur montrer, dans son perfectionnement prétendu, la véritable source de ses misères. Mon âme, exaltée par ces contemplations sublimes, s'élevait auprès de la divinité. Et, voyant de là mes semblables suivre, dans l'aveugle route de leurs préjugés, celle de leurs erreurs, de leurs malheurs, de leurs crimes, je leur criais, d'une faible voix qu'ils ne pouvaient entendre, « Insensés, qui vous plaignez sans cesse de la nature, apprenez que tous vos maux viennent de vous. » Voici maintenant les extraits de ce discours sur l'inégalité que j'ai choisi et enregistré pour vous.